Voici d'abord les cinq poèmes que j'ai choisis dans l'œuvre de Sully Prudhomme. Le vase brisé. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fui, goutte à goutte. Le suc des fleurs s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute. N'y touchez pas, il est brisé. Souvent, aussi, la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit. Puis le cœur se fend de lui-même. La fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas sa blessure fine et profonde. Il est brisé, n'y touchez pas. Extrait de Stances et poèmes, publié en 1865.